Vendredi 5 octobre, 19h, un pingouin sur la banquise. Ma vie est comme en équilibre. Je suis parfaitement calme, et sans aucun autre désir à présent. Chaque jour passe comme si jamais, je ne devais sortir d'ici. En prison, on court un risque sérieux, l'accoutumance. On s'habitue et puis voilà. On s'installe, on fait ses petites affaires, faites de tout et de rien, comme si le monde s'arrêtait là. C'est étonnant combien le rien peut occuper toute une existence. Aujourd'hui, par exemple, j'étais à l'école. J'ai utilisé un logiciel de dessin sur l'ordinateur. J'ai dessiné des pingouins sur la banquise, une famille de pingouins, papa pingouin, maman pingouin et leur petit pingouinton. J'y ai rajouté de jolies couleurs. C'est stupide comme activité, ça m'a pris plus d'une heure et j'étais fier de moi, comme lorsqu'à la petite école, pour la première fois, j'avais dessiné un papillon à la maîtresse. J'ai rapporté mon dessin à la maison, je veux dire en cellule, et je l'ai scotché au-dessus de mon lit, sur le mur. C'est vrai que ça change des trains et des locomotives que Jean-Marie nous a collés partout. Sont-ils pas jolis mes pingouins? Décidément la prison m'infantilise comme c'est pas possible. Avais-je vraiment besoin de ça en plus? Un psy, ma prison pour un psy, et toujours pas de rendez-vous. Ce soir, c'est décidé, je fais une lettre au médecin psychiatre. Si ça continue, je vais devenir plus débile encore que les fous que je croise ici. Je ferme les yeux. Allongé sur ma couchette, comme un pingouin sur sa banquise, je suis à présent bien enclin à rêver, à naviguer sur les grands océans, à cingler vers le large. Sur une banquise ou dans un désert, qu'importe, cela m'évitera les murs de la prison.